Nous vous proposons, puisque nous avons hélas très peu de temps, de passer maintenant aux questions. Vous auriez évidemment pu prendre davantage la parole pendant la séance elle-même. L'idée n'est pas de réserver les questions pour la fin, comme vous avez pu le constater lors des séances précédentes, déjà. Mais voilà, j'insiste un petit peu pour quand même vous la laisser clairement maintenant. Est-ce que vous auriez des questions, envie de poser des questions à vos invités ? Je voulais demander à Marie s'il y avait une relation entre UP6 et Videa. Oui, le montage, la salle de montage. En fait, tous les films de Videa ont été montés aux Beaux-Arts. Ils étaient quand même très accueillants. Hein. C'était formidable. Le groupe n'aurait pas existé, hein, ça, ça faut bien le dire, sans les Beaux-Arts, parce que quand on voit ce que sont devenues les bandes qu'on n'a pas montées, qu'on les a toutes perdues. Donc s'il reste quelque chose, c'est parce qu'on a pu monter aux Beaux-Arts. Et puis si ça n'avait pas d'archives, on n'a pas gardé d'archives. Non, c'est possible. J'y ai jamais pensé. C'est effectivement, tu as raison, un lieu à investir absolument, puisque peut-être. Par exemple à Paris 8, en réalité, il reste beaucoup de bandes qui n'ont pas été transférées encore. Donc bien sûr, en fait, on pourrait tout à fait en rester. Le type dirigeait ça, il est mort. Le technicien. Comment il s'appelait ? Je sais que le technicien s'appelait Gérard, mais par ça, il y avait Jacques. C'est moi, tout ça. Moi, je voulais juste signaler en revoyant cette cabinet par de la prostitution et des féministes qu'à la même époque, donc Carole filme, elle, la lutte des prostituées dans les. Enfin, notamment à Lyon, à l'intérieur de l'église où elles sont enfermées. Et qu'on retrouve souvent ça, en fait, dans vos films, qui se répondent. En fait, Libre aussi, il y a eu plusieurs groupes qui ont filmé pendant 3 ans, depuis le début de la coopérative ouvrière. Et c'est intéressant aussi de voir les regards différents qui ont été portés par tous ces groupes. Quand on peut les comparer, c'est ça se répond, en fait. Il y a Andaille aussi, qu'on a fait... Carole a filmé Andaille, ma sœur et moi, on a filmé Andaille. Et après, on s'est même échangé des rushs. Bon, et c'est pas le même film, parce que, en fait, le propos n'était pas vraiment le même. Andaille, c'était donc une marche organisée par des féministes françaises et espagnoles. Contre le fascisme. C'est intéressant comme chose. Donc il y a eu la pratique d'échange de rush sur les mêmes entreprises de montage. Il y a d'autres exemples. Non, en fait avec Carole, il y a l'essence ou à l'exemple. On a emprunté comme ça des plans de LIP pour un autre film qui s'appelle C'est tout pour nous et vous, et où on mélange du cerisé, un truc sur la culture populaire, les chansons dans les luttes. Et on a pris des quelques plans de lit que Carole nous a passés, et puis on lui a donné des plans de cerisé, ou je vois pour un autre film. Voilà, on a. Si c'était très simple, si on avait envie, on allait voir, on disait tiens, tu me passes ce plan, voilà. Cette question du croisement des regards sur un même sujet, c'est précisément ce que nous ferons à travers 3 études de cas à partir du printemps, en mars, en avril et en mai, puisqu'il y aura une séance spécifiquement sur les expériences vidéo dans les conflits LIP, qui sera d'ailleurs aussi l'occasion probablement de comparer avec des pratiques du cinéma militant, bien sûr, argentique aussi. Il y aura une autre séance sur les usages de la vidéo dans les luttes féministes. Anne-Marie reviendra à cette occasion. Nadia Ringard, évidemment aussi, pour évoquer aussi le projet Histoire, Mémoire et Bobine Féministe que nous avons monté au sein de la Bibliothèque nationale de France par ailleurs. Et il y aura une 3e séance en mai autour des rapports entre vidéo et mouvement écologique naissant. Et à cette occasion, Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre, d'ailleurs, reviendront et dialogueront notamment avec Anne-Marie Martin, qui elle-même viendra présenter son groupe la prochaine fois. Autrement dit, vous l'avez compris, enfin, vous avez le programme, on a voulu dans un premier temps évoquer des parcours de groupe, donner déjà quelques repères, et toujours sur le principe du dialogue, et dans un second temps, revenir sur des études de cas qui permettront effectivement ces croisements de regards et de points de vue en faisant revenir les mêmes invités, mais en faisant dialoguer pas forcément les mêmes personnes entre elles. Oui. Bien sûr. Enfin, je au contraire. On participe à un groupe d'archives, ça s'appelle les archives des Toets, et il se trouve qu'un des groupes de lecture qui existe relie une revue militante des années 70, s'appelle Pierre Marat Virgule. Et le premier numéro de cette revue, il est question d'une grève qui est assez fondatrice pour ces militants, c'est la grève du mouvement des travailleurs arabes. J'ai vu que vidéo 00, pardon, vous avez fait un montage, peut-être c'est celui dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce travail-là avec le mouvement des travailleurs arabes? Est-ce qu'il est encore visible? Enfin, voilà. Non, je crois qu'il s'agit de la grève de la faim, spécifiquement d'un groupe de Tunisiens qui étaient réfugiés donc dans la crypte de l'église de Ménilmontant. Et je ne pense pas qu'on parle du mouvement des travailleurs arabes. Disons que c'est là dans le cinéma action, un montage plus définitif fut ensuite réalisé en liaison avec le MTA, le mouvement des travailleurs arabes, et le comité de lutte, puis diffusé dans les foyers de travailleurs du 19e et du 20e, afin de conserver une certaine mobilisation. Oui, il faudrait que vous le voyiez. Vous nous apprenez ça. Non, en fait alors, on est vraiment un collectif. Hein, on était un collectif, et c'est vrai que ce travail a été pris en charge par Daniel Julien, un vidéaste qui est parti aux États-Unis, qui revient et qui fait un film d'ailleurs sur inspiré d'un roman d'une. Une romancière algérienne, là, actuellement. Vous voyez, ça continue. Oui. Et donc, mais on n'a pas... Ce film monté, il faudrait qu'on le retrouve. Hein. Partie de ce qui a été déposé dans le fond de la BNF, a priori. Non. On ne l'a pas retrouvé. On sait qu'on avait fait quelque chose là-dessus. Mais vous voyez, il y a beaucoup de gens hein, qui ont fait, il y a sur Mandela, sur Solidarnosc, sur... ça foisonnait, quoi. Hein, c'était un petit centre. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, là, maintenant. Hein, avec, oui, ça fait 40 ans, oui. Mais si Daniel est revenu, peut-être qu'il va garder une copie. Oui, peut-être, on lui demandera. Oui, on lui demandera. Alors c'est vrai que ça avait été une manifestation, quand même une des premières, hein, des sans-papiers avec occupation, de, oui sans-papiers, je dis bien, grève de la faim, dans la crypte de l'église de Ménilmontant. Et là aussi c'était une grève un peu nouvelle, quoi, hein, dans sa forme. Dans son expression, la population, c'était soutenu par le curé. Oui, il y avait toute. Après, on a retrouvé ça dans la grève de Saint-Bernard. Alors peut-être qu'il parle effectivement du mouvement des travailleurs arabes. Bon, à suivre. On est obligé de, par l'horaire de... On annonce quand même la séance suivante. D'arrêter là, mais oui, annonce. Alors, on va quand même annoncer nos invités de la prochaine séance qui se tiendra donc le lundi 14 janvier, ici même, à la même heure, hein, 17h30, 20h. Donc, qui portera sur les collectifs régionaux et les actions locales qui ont pu être menées par ces collectifs. Nous aurons comme invités... que je n'oublie personne, Anne-Marie Martin, que je citais précédemment pour l'atelier de diffusion populaire de Lyon, qui a notamment d'ailleurs aussi filmé à Lippe, et nous accueillerons Jean-Luc Liout pour Aix-en-Provence. Il était l'un des fondateurs du collectif Vidéo 13 et Clivage. C'est très très tôt, c'est vraiment première moitié des années 70. C'est quasiment simultané des groupes qu'on a évoqués aujourd'hui. Ainsi qu'Hélène Liult, également à Aix-en-Provence, qui est à l'origine du collectif vidéo féministe RL Vidéo. Et enfin, Marie-Thérèse Martinelli, fondatrice avec Gilles Martinelli, du collectif Vidéo 00 31, qui est un un dérivé, si j'ose dire. Le mot est mal choisi, mais de vidéo 00. Oui, produit dérivé. Un petit frère. Ils ont été aussi, ils ont été aussi fondateurs de vidéo 00. Oui, ils ont participé. C'était le même groupe qu'on a connu en Algérie. Bien, merci beaucoup à tous. Si des personnes veulent acquérir des vidéos de notamment de vidéo, on a donc ici à acquérir auprès de Laura, ainsi que d'autres films, donc voilà.